Ça y est, l'album de l'Orignal est terminé. Ben oui, c'est triste, mais il faut que ça finisse à un moment donné. Mais si tu es patient et que tu attends encore une minute après que j'ai fini de parler, tu vas entendre une chanson très, très, très drôle. Mais c'est une chanson que tu dois chanter seulement quand tu es dans la salle de bain ou tout seul dans ton lit. Quand personne t'entend. Faut surtout pas que tu la chantes quand tu manges, parce que tes parents seront pas contents. Bye bye! Pipi caca dans la toilette. Pipi caca dans tes bobettes. Pipi caca, tu trouves ça très drôle quand je dis pipi caca. Toi, tu ris. Pipi caca, est-ce que tu vas rire toute ta vie quand tu vas entendre pipi caca? Ou bien vas-tu arrêter de rire quand je dis pipi caca? Pipi caca, oh pipi caca, dans tes bobettes, pipi caca, dans la toilette, tu trouves ça drôle quand je dis encore une fois pipi caca. Pipi caca, pipi caca, pipi caca, et c'est encore plus drôle si on dit tout le monde ensemble. Pipi caca, pipi caca, pipi caca, pipi pipi caca caca caca, pipi caca, pipi pipi caca caca, pipi caca, pipi caca, pipi caca, pipi pipi caca caca, pipi caca, pipi caca, pipi pipi caca caca, pipi fini.